Invoquez-moi du sein de la détresse. Mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, au quoi à la promesse. Bientôt ta voix t'exaltera. C'est Dieu qui parle, au quoi à la promesse. Bientôt ta voix t'exaltera. Yeah.